Eh bien, bonsoir, vous êtes sur Radio de Boutière, une émission très spéciale ce soir, ça pourrait être Zicatu ou Celtitude, ça sera en fait ni l'un ni l'autre, une Zic Celtitude. Je suis en compagnie de quelques musiciens qui vont devenir célèbres puisqu'ils attaquent une tournée ardéchoise et c'est Kitchen Irish. Yes, bonjour, bonsoir. Alors, on fait un petit peu les présentations. Kitchen Irish, alors c'est quoi? C'est de la musique irlandaise, je suppose? Oui, effectivement, c'est de la musique complètement irlandaise. C'est que des standards, des traditionnels qu'on joue avec différents instrumentistes, puisque le groupe Kitchen Irish, c'est surtout un collectif en fait, de musiciens. Et il faut que je m'approche du micro. Bonjour. Et donc avec plein de musiciens différents, et ce soir, on est 6, c'est ça? 2, 4, 6, c'est ça. Tout à fait, le compte est bon. 6, alors Kitchen Irish, c'est du côté de, comme son nom l'indique bien, c'est du côté de Saint-Étienne? Oui. C'est un groupe entre autres, voilà. C'est ça. Chez la Roi Stéphane, ouais, oui. Et même du Lyonnais dans l'histoire aussi. On reviendra sur Chez la Roi en dernier. Tu te présentes là? Tiens. Alors moi c'est Clément qui fait de la guitare et à mes côtés, oui, Denis qui fait du Baudran. Ah, tu dis Baudran toi? Ouais, je dis pas Baudran. Baudran, je sais pas le dire. Et moi c'est Mickaël et je fais de la flûte à bec. Ensuite c'est Louis-Jean au violon. Alors Yoshiko à la flûte. Oui. Et Gaël à la guitare aussi. Alors Gaël, c'est pas un inconnu à Radio des Boutières, hein? Oh non. Gaël, c'est le fidèle animateur de Zicactu. Tout à fait, un mardi sur deux, le premier et le troisième mardi du mois. Retrouvez-moi pour éplucher l'actualité musicale. Espace publicité. Et en podcast, c'est ça. Alors, oui. Dis-moi comment Chez la Roi se retrouve dans Kitchen Irish. Eh bien, en fait, je suis stéphanois d'origine, ce qui explique donc la provenance de ce groupe de Saint-Étienne. Donc moi, je suis au Chélard depuis un an et demi. D'accord. Alors, les présentations sont faites. Votre style, donc, c'est la musique irlandaise? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on va avoir comme premier morceau? Eh bien, vous allez avoir un enchaînement de trois reels. Oui. Alors, on a Dale Among the Tailors, Staten Island et Mrs. MacLeod's Reel. Et voilà, c'est un enchaînement comme ça se fait pas mal en musique irlandaise. D'accord, ben on vous laisse le temps de vous préparer. D'ici quelques secondes, ça va être prêt. Hein. Le temps de quitter les casques de... On est bon. Vous êtes prêts? Eh ben allez, on vous écoute. Eh bien, super. Donc, vous êtes sur Radio Boutière avec Kitchen Irish. Alors, pourquoi avoir choisi ce nom, Kitchen Irish? C'est parce qu'il y a des cuisiniers dans... Le violoniste est un cuisinier? Non, pas du tout, pas du tout. Ah, c'est perdu, mais pas plus. Pas plus. Ah, oui, peut-être d'ailleurs, excuse-moi. Non, c'est vraiment très, très bête comme explication. C'est le nom Kitchen Irish, c'est aussi le nom d'une BD qui parle de la mafia irlandaise, en fait. Une BD de la série du Punisher, pour ceux qui connaissent un peu les comics américains. Et voilà, en cherchant un nom, je tombais là-dessus. Je me suis rappelé de ça. Et voilà, donc en fait, il doit y avoir un copyright quelque part, mais bon. On n'est pas assez connu. On s'en tape. Mmh. Voilà, c'est ça. Ben en tout cas, ce que vous jouez, c'est bien péchu. On a envie de danser là-dessus. Hein. Des reels, y a les jambes qui bougent toutes seules là, en vous écoutant. Là, donc, yes. Est-ce que... Oui. Non, yes, yes, je yeah. dis, yes. J'approuvais ce que tu viens de yes. dire. In English, please. Yes, ok. À Saint-Étienne aussi, on dit yes. Alors, ça tombe bien, au Chalard aussi, on dit yes. Oui, alors, comment s'est créé ce groupe? Bon, alors du coup, oui, c'est moi qui ai réuni les musiciens. Donc Clément, le guitariste. Voilà. Clément, oui. En faisant une tournée avec un orchestre et un bagad, le bagad de Rouen, on avait en première partie, non, en deuxième partie, pardon, un groupe irlandais qui jouait avec des danseurs et des danseuses. Et puis voilà, j'ai un peu redécouvert cette musique parce que je la connaissais un tout petit peu, d'oreille plutôt. Et du coup, ça m'a donné envie de faire cette musique. Alors, j'en ai parlé à mes amis autour de moi, savoir ce qui serait branché pour faire quoi, pour faire quel instrument, etc. Donc, j'en ai parlé à Denis, à tout le monde, au fur et à mesure. Et puis voilà, on a décidé de faire ça ensemble. Sachant que Denis, par exemple, au départ, c'est un percussionniste classique. Donc, les instruments de percussion de l'orchestre... les claviers, les marimbas, les xylos, tout ce bazar-là. Et du coup, il s'est mis au bodhran pour l'occasion. C'est pas tout à fait vrai. Ah bon, en fait, j'ai commencé le bodhran, mais c'était vraiment pour un projet, pour mes études de musique. Et après, j'ai laissé tomber. C'était un projet de 2 mois. Donc pendant 2 mois, je me suis mis sur un bodhran. Et quand Clément m'a rappelé, 2 ans, peut-être, ouais, oula, même bien plus, peut-être 4-5 ans après... J'ai pas hésité une seule seconde. Et voilà. Et du coup, au fur et à mesure du temps, en demandant aux amis musiciens s'ils voulaient participer au projet, ça a créé un noyau dur, on va dire, de musiciens, et puis d'autres qui gravitent au gré des dates et des répétitions autour du projet de base, on va dire. Vu qu'il a beaucoup d'amis, il a fait un collectif. D'accord. Et on fait comment pour répéter? Alors, vous avez un local pour adapter pour ça? Non, on répète à droite à gauche. On a répété souvent chez Denis. On a répété chez Denis. Et on a répété un peu chez moi aussi. Dans les maisons de campagne respectives. Dans la maison de campagne de Louis-Jean, exactement. Et c'était très bien d'ailleurs. C'était super cool pour se mettre au vert. L'avantage de cette musique, c'est qu'on n'a pas besoin d'être amplifié. Donc, on peut répéter n'importe où en fait. Ouais. Ça prend pas beaucoup de temps. Sans trop gêner les voisins. Ouais, aussi. Faut y penser. D'accord, donc on en sait un peu plus sur Kitchen Irish. Vous êtes produit déjà un petit peu Oui. Alors, mais rafraîchissez-moi la mémoire. Le groupe existe depuis la Saint-Patrick 2015, donc depuis cette année. C'était premier concert. D'accord, Saint-Patrick, c'est une bonne date pour commencer un groupe celtique, on va dire. Hein. C'est un bon baptême. Oui. Un bon baptême. C'était le premier concert. Après, le groupe existe forcément depuis quelques mois avant, parce qu'il a fallu quand même répéter un petit peu pour ce premier concert, mais c'était le premier concert. Et après, il y a eu deux autres concerts, c'est-à-dire on a joué pour la chorale de Clément, parce que Clément, en plus d'être multi-instrumentiste, il a le bonheur et le privilège de diriger des chorales, Il fait des bêtises à côté de moi, mais parce qu'on partage le micro. Mais d'ailleurs, j'aurais pas dû me mettre là, mais c'est pas grave. Et du coup, on a joué en première partie d'une de ses chorales. Et puis on a joué dans un festival en Haute-Loire. Je ne me souviens pas du tout le. C'était trop loin. Oui, c'était super loin. Il pleuvait, mais on a passé un moment vraiment unique. Tout à fait. C'était bien. C'était cool. D'accord. Alors, vous allez nous interpréter un autre morceau. Qu'est-ce que ça va être? C'est le Skyboat. C'est Skyboat Song. Skyboat Song. Voilà, c'est un air de MacLeod and Bolton. Donc, c'est quelque chose d'un peu plus lent que ce que vous avez entendu. Un changement d'ambiance, quoi, dans l'idée. D'accord. Bah, À tout de suite. À tout de suite. Allez-y, quand vous êtes prêts, allez-y. Les micros sont ouverts. On est tout ouïe pour vous écouter. Super, super, on en redemande. Il y en aura encore, hein, vous inquiétez pas, il y en aura encore. Alors, une petite question, bah, tiens. Au joueur de flûte, par exemple, Michael. Yes, bien joué. Alors, tu joues de la flûte à bec. Oui, des flûtes à bec. Parce que... Oui, et le tin whistle, low whistle, non. Non, je joue pas de whistle. En fait, je suis flûtiste à bec à la base. Oui. Et étant donné que je peux jouer à peu près dans n'importe quelle tonalité avec, avec mes flûtes, je préférais continuer avec la flûte à bec plutôt qu'avec des whistles, en fait. Voilà. Bon, je connaissais déjà la réponse, mais je voulais que tu la dises quand même. Ah, c'est vrai que tin whistle, il n'y a pas toutes les notes, il n'y a pas toutes les tonalités non plus, donc c'est plus facile à harmoniser quand on joue ensemble. Oui, et puis il y a plus de jeux, en fait, qu'on peut faire avec une flûte à bec, en fait. Mais un peu plus riche. Est-ce que tu as une panoplie de flûtes? Là, aujourd'hui, j'en ai que deux. Oui. En fait. J'ai la classique, hein, qui est connue, la soprano. Et une un peu plus grande, une alto. Une alto. Elles sont en trois parties? Non, elles sont en deux parties, parce que je joue avec des flûtes Renaissance. D'accord. Voilà. Et donc, elles ont deux parties. C'est les flûtes baroques qui auront trois parties. Montre-moi ça, que je regarde un petit peu plus près. Donc, il n'y a pas de clapet. Donc, tu joues avec... Tu joues avec tous les doigts. Hein. Oui, tu, c'est ça. On n'a pas de clé pour les, non, pour les notes basses. On n'a pas de clé, non. Ok. Il faut écarter les doigts. Mais Gilles, tu es flûtiste ? Oh, très, très amateur. Très, très amateur. Et on tente, ça. Ah, c'est un scoop, ça. On apprend plein de choses sur Gilles aussi. Et tu joues toujours, Michael, tu joues de la flûte depuis combien de temps ? Oula, ça fait un moment, ça, quand j'étais jeune. Je sais pas, il y a 20 ans. Ah, il n'y a pas 50 ans. Non. Ah, Kitchen Irish, c'est pas aussi vieux que ça, quand même. Ah non, Kitchen Irish, c'est récent. Mais je fais non, non, mais je parle de l'âge des musiciens. Ah non, oui, on est plutôt des trentenaires. On est plutôt bien conservés. Oui. Ouais. D'accord. Et pour les autres, alors, c'est pas Jean-Louis, c'est Louis-Jean. Tout à fait, et j'y tiens. Louis-Jean, donc tu joues du violon depuis quel âge ? Depuis 25 ans, j'avais 4 ans et demi. 4 ans et demi. Donc tu es ici de parents musiciens pour être... Pour avoir commencé si tôt ? Oui. Bah, pas manqué, oui. Parents musiciens, oui. D'accord. Parents musiciens, et puis moi je suis plutôt issu du monde classique. Enfin, issu, et puis j'y suis toujours d'ailleurs, mais ça faisait quelques petites années que sortir un peu de ce monde et faire autre chose en parallèle, à côté, me trottait dans la tête, et donc la proposition de Clément était une bonne occasion que j'ai saisie. D'accord. Et tu as fait quoi donc ? Des études conservatoires ou autres ? Oui, alors comme une partie de la bande, c'est d'ailleurs là où on s'est connus, au conservatoire de Saint-Étienne. Oui. Et puis ensuite, des études supérieures au conservatoire supérieur de Lyon et Paris. Et voilà. Et je suis encore de retour à Lyon pour des études d'accord. De master d'enseignement. Tu es issu de la région clermontoise ? Ah non, je suis stéphanois. Stéphanois, qui c'est pure souche, qui c'est qui est Clermont ? C'est Michael. Est-ce que tu connais un groupe celtique de cette région-là ? Non, mais ça fait longtemps que je suis parti de Clermont, hein, ça fait déjà 13 ans. D'accord, alors je vais te le citer, c'est Oubéré. Ça te parle ? Non, du tout. Oubéré, ben, si vous avez l'occasion de le rencontrer, Oubéré, c'est grandiose ce qu'ils font aussi. Il y a un autre groupe stéphanois par contre qui s'appelle Selkilt, je crois. Ah, ils sont pas stéphanois, ils sont rouennais, lyonnais. Ah ouais, ils sont carrément pas stéphanois. Ah ouais. On en a croisé un à la fac quand même. Hein. Qui s'appelle ? Dis-moi. Pour balancer... Je dis peut-être une bêtise. Non, mais il me semble. Non, bon, il y a Loïc, Nico. Le chanteur et le guitariste est passé par ça. Nico. Pour moi, il était passé à Saint-Étienne, mais peut-être que je fabule. Le mec qui ressemble à Bryan Adams, là ? Ouais, celui-là. D'accord. C'est Nico, le guitariste et le fondateur du groupe, oui. Bon, faudrait bien. Alors, qui c'est qui me parlait des bagades de. De Juan, c'est moi. C'est toi. Donc, il y avait Loïc qui en faisait partie, je crois, qui jouait de la cornemuse. C'est possible. Il y avait 8 cornemuseux, c'est comme ça qu'on dit. Voilà. Et une tripotée de mecs qui jouaient de la bombarde aussi. Et plein de percussionnistes. Et je ne les connaissais pas tous. Et donc c'est possible qu'il y ait un Loïc dans le tas. Sans aucun doute. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a comme morceau musical maintenant ? Alors là, on va jouer une petite gigue qui s'appelle Langen's Ball, qu'on va enchaîner à une autre gigue qui s'appelle Morrison Jig. Le tube ? Le tube. Ouais, vous allez voir. Ouais. Donc, on va pouvoir vous empêcher de danser. Ça va giguer. Eh bien, allez-y, préparez-vous. Les micros sont ouverts. On vous attend avec impatience. Les auditeurs aussi, d'ailleurs. Ok, super les gars. Alors je leur laisse le temps de s'asseoir et de remettre le casque. Voilà, tout le monde a son casque. Oui. Voilà. Alors, votre répertoire, c'est uniquement de la musique ou il y a des chants? Clément nous avait vendu du rêve au concert précédent en nous disant qu'il allait chanter un petit quelque chose et il s'est lâchement débiné, quoi. Bah non, mais c'est devant mes choristes, alors j'ai un peu... je me suis dit, ça va me faire une mauvaise pub, ouais. On va quand même pas demander à Michael de chanter en même temps qu'il joue de la flûte, ça paraît difficile. Hein. On peut toujours essayer, hein. Pas sûr du résultat. Non, là pour l'instant, on a, c'est exclusivement instrumental, mais on a là dans les bagages quelques morceaux ambiance chant de marin un peu. Voilà, musique celtique qu'on voudrait chanter en fait. On est plusieurs à chanter aussi dans le groupe. À savoir chanter, donc pas encore. Grosse différence. Enfin, on va essayer quoi. Mais voilà, c'est le projet un peu là. En fait, on est un peu en colonie de vacances cette semaine. Je ne veux pas griller tes questions, donc j'en dis pas plus. Non, mais tu grilles pas mes questions parce qu'il n'y a rien de prévu. Hein. C'est vraiment du. Faut pas le dire, ça. C'est tout au feeling. Ça vous a vachement préparé là jusqu'à. Ah ouais. Ah, quand on est pro jusqu'au bout. Ça, hein. Ça se voit tout de suite. Mais pro dans le sens très amateur. Hein, je veux dire. Non, mais voilà, pour revenir un peu sur ce que je disais, en fait, on est toute la semaine en Ardèche, là. Et du coup, on joue beaucoup la journée entre nous. Et puis, surtout le soir, voilà, on a des concerts un peu tous les soirs, là, cette semaine. Oui, on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Gaël, puisque tu. Puisque tu nous parles, toi, donc, de la musique, tu as envie, puisque tu es professeur de musique. Tout à fait, au Chélard, à la Mastre et à Saint-Sauveur de Montagu. Et tu as commencé à t'intéresser à la musique depuis combien d'années, alors? J'ai passé, je sais pas, une quinzaine d'années, là, à jouer de la guitare, je pense, les 15 dernières. Et donc, quand j'étais ado, à 14-15 ans, quelque chose comme ça. D'accord. Et tu as... D'autres instruments que tu joues? Moi, là, je joue pour Kitchen Irish, je fais aussi du ukulélé. Là, ce que vous avez entendu, il y a deux morceaux, c'était du ukulélé, et pour le prochain, ça sera aussi du ukulélé. Alors, c'est pas typiquement irlandais, je reconnais. Mais... Ouais, mais tout est envisageable, de toute façon, c'est des instruments typiques. En fait, concrètement, la guitare, c'est un rajout au fil du temps. Je me demande si le Bodran, c'est pas aussi la même histoire. Il faudrait qu'on se rencarde là-dessus, d'ailleurs. Voilà, c'est un répertoire qui est quand même vivant, qui est très ancien, mais qui évolue en fait aussi au fil du temps. Et moi, je trouve que le ukulélé s'y prête plutôt bien en termes de sonorité. Donc voilà, j'ai décidé de jouer du ukulélé. C'est l'Irlande du Sud, quoi. L'Irlande du Sud, voilà, c'est ça. C'est l'Irlande tropicale. D'où le fait qu'on fasse un petit peu notre propre cuisine. D'accord. Ouais, c'est pas mal. Ouais, ça, c'est beau, ça. La sauce prend bien. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez maintenant? Sauce King of the Fairies. Ah, The King of the Fairies. Alors, celle-là, je l'adore. Tu connais? Yes. Ah oui. Yes. Et je vous laisse vous préparer, on en discutera après. En fait, on fait un enchaînement encore là. On fait un enchaînement de King of the Fairies, qui est un hornpipe, avec The Temperance Reel, qui est un reel, comme c'est marqué dans le titre. Et c'est parti. On vous écoute. Thank you. Super les amis, super. Donc The King of the Fairies, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de... Enfin je ne le disais pas, je vais le dire maintenant plutôt, il y a beaucoup de groupes qui reprennent cette très très jolie mélodie. Et j'avoue que interprété par Kitchener Rich, c'est quand même quelque chose, hein. Ah bah c'est un rire, merci beaucoup. C'est toi le spécialiste. J'en ai les poils qui sont dressés, c'est bon signe ça, hein, quand on a des petits frissons là. Ah là, ouais. Alors j'avais une préférence pour la version du groupe chilien, parce que même au Chili on joue la musique celtique, c'est vous dire. Le groupe s'appelle Banda Celta Danzante. Je trouvais cette version très très jolie parce qu'il y avait de la cornemuse irlandaise, pardon, mais interprétée par Kitchener Rich, ça, c'est pas mal. Hein. C'est très gentil. Je te demande ça comme ça, t'aurais un extrait de ce groupe-là ? Là, sous la main, non. Non ? Sous la main, non. Mais donc, vous tenez la corde, vous allez aller, Léon. Aller loin, pardon. On va aller à Lyon. Non, pas à Lyon, oui, oui, certainement, oui. Pourquoi pas là, le Tony Garnier, tiens. Bah, on prend hein, avec plaisir. Hein? S'il y a un programmateur qui écoute. Non, il y a des salles autour qui sont pas mal non plus. Hein. Oui, il y a plein d'endroits sympas, mais même des endroits un peu plus modestes que la halle Tony Garnier. Qui... bah d'ailleurs, même l'endroit où on a joué dans ce festival où il pleuvait à cordes, en fait, c'était sympa, quoi. L'ambiance n'était pas. Hein. Était super cool, quoi. Convivial, dans une grange en acoustique. Voilà, en acoustique. Les gens qui ont dansé naturellement assez rapidement. Voilà, ça c'était cool, quoi. Après, effectivement, les conditions météorologiques n'étaient pas présentes, quoi. Mais. C'était pas grave. L'énergie était là. Ouais, l'énergie était là, ouais. D'accord. Alors, vous entamez ce qu'on appelle. Enfin, ce que vous appelez une tournée ardéchoise. Tout à fait. Alors. Ça commence dès ce soir, ça a commencé. Ce soir, ça y est, on y est, on est en plein dedans. Ah oui. Ouais. Et puis ça continue dès demain. Voilà, demain on sera aux apéros jardinatoires à Saint-Jean-Chambre. Alors les apéros jardinatoires, je ne sais pas si vous connaissez, chers auditeurs de RDB, mais c'est tous les mardis soirs, en fait, tout l'été, il y a une programmation qui est super bien. C'est Emilia et Nico qui tiennent ça. Et en fait, c'est un petit marché de producteurs. Et un marché du soir, en fait, à partir de 18h, 19h. Et après, à chaque fois, il y a un groupe, une troupe de théâtre, de la danse, qui se produit. Voilà. Et c'est gratuit, enfin, c'est uniquement au chapeau. Et donc, ça permet de faire ses courses et d'écouter de la bonne musique, par exemple. Et ça se passe donc du côté de Saint-Jean-Chambre, c'est demain, à partir de 19h. Donc, ça sera une soirée de musique de chambre, si vous me permettez l'expression. C'est excellent. C'est pour ça que je te voulais trépigner là, comme ça. Elle est bien, mais pourtant pas du tout, parce que c'est vraiment en plein air, c'est ambiance très conviviale. C'est pas du tout en intérieur, c'est pas dans la chambre. Là, c'est du coup, vu que Louis-Jean l'a cherché, il devra nous raconter une blague entre chaque morceau demain. Ouais. Et en plus, vous avez du pot, pas le pot de chambre, mais parce que demain il fait beau. Hein. Demain il fait beau, donc si vous êtes en plein air. Ouais, je crois que dans cette semaine, pour l'instant, ça s'annonce bien. Oui. On a quelques concerts en plein air, en effet. Ça continue dès le lendemain, le mercredi 26. Tout à fait, nous serons au bar de la Palisse, au Chélard. Donc de retour au Chélard. Voilà, on sera vraiment local, on va y aller à pied, donc ça sera super bien. Ok, et puis ça continue le jeudi 27. Alors là, on sera à La Mastre pour les jeudis de La Mastre. En fait, tous les jeudis à La Mastre, il y a des concerts vers les tribunes, vers l'office du tourisme. Voilà. Louis-Jean connaît bien La Mastre, il me précise ça. Et donc, on sera en compagnie d'un groupe qui était passé sur les antennes de RDB, en fait, qui s'appelle Radioactive Voices, qui est un groupe de La Mastre. Et donc, qui fait essentiellement des reprises, mais aussi quelques compos dans le style pop-rock, essentiellement en anglais. Donc, on jouera avec eux, on partagera la scène. Ce sera une soirée éclectique, pareil, à partir de 20h30, 21h. J'aime bien les clubs. Et pour terminer, le vendredi 28. Vendredi 28, on sera à Nas. C'est un petit hameau à côté de Saint-Barthélemy-Grozon. Donc voilà, c'est du côté un peu de La Mastre. Il faut continuer la direction de Valence et chercher le petit panneau Nas. Et en fait, c'est des amis qui font des concerts dans leur grange régulièrement et qui font beaucoup de jazz. Mais cette fois, ils nous accueilleront pour de la musique irlandaise, ça les changera un peu. C'est Voilà, Linda et François Galix, qu'on salue et qui sont bien connus de la région, parce que c'est des instrumentistes très talentueux. D'accord. Alors, vous avez un autre morceau à nous proposer ? Oh oui. Oui. Alors, voici Mrs. Hamilton of Pencaitland, excusez-moi. C'est un slow air et voilà. Et voilà. Qui réserve quelques petites surprises. Et voilà. Merci pour cette magnifique interprétation. Allez, on vous écoute. Okay. C'est notre morceau calme du soir avec Clément Grelet au violon. Oui, du violon pincé, on va dire. Voilà, du violon en pids. Et en fait, excusez-nous, c'était un peu difficile à tenir, mais Clément joue sur un violon qui est réparé avec un sando. Non, mais c'est pas tendeur. Ça qui était drôle encore. Et avec, il est rafistolé avec du bois de cagette. Donc déjà, c'est pas facile. Et puis voilà, spéciale dédicace à Anna Cruz pour ce morceau. Merci. D'accord. Et les cordes étaient en raffia, non? Tu nous as dit, Gaël, non? Les cordes en raffia, ouais, tout à fait. C'est tout à fait ça. Il faut reconnaître que Clément est multi-instrumentiste. Voilà. Et qu'est-ce qu'il joue justement, Clément, mis à part la guitare et un petit peu du violon? Ah, il m'écoute pas en plus. Alors, si je lui pose des questions et qu'il m'écoute pas. Il s'en remet pas. Hein, en vrai, il joue de la contrebasse. I repeat again for you. Oui, je fais de la contrebasse. C'est contrebasse. Oui. Voilà, de la contrebasse, mais du coup, pour. Quand j'ai voulu faire de la musique irlandaise, bah, j'avais pas envie de la faire à la contrebasse, en fait. Je sais pas. Et du coup, ça m'avait bien plu le rôle que tenait le guitariste dans le groupe que j'avais vu, donc. Et du coup, je me suis mis à la guitare en mode irlandais. C'est-à-dire avec la guitare désaccordée, c'est le mode d'adgad, on appelle ça, c'est-à-dire ré, la, ré, sol, la, ré, dans l'ordre des cordes de la guitare, de la plus grave à la plus aiguë. Voilà, c'est un accord traditionnel, en fait. C'est comme ça que j'ai commencé à apprendre la guitare. Mmh. D'accord. Du coup, quand je prends une guitare qui est accordée normalement, je sais pas en jouer. C'est pas très pratique pour... Par contre, quand il prend un violon complètement bousillé, là, il n'y a pas de souci. Finalement, de jouer la contrebasse, c'est bien, mais si tu n'en joues pas pour ton groupe, c'est mieux, parce que pour la trimballer avec soi, c'est facile, je veux dire, ça ne prend pas de place. Et ben c'est aussi... Ça rentre facilement dans un coffre de voiture, et pas de souci. C'était une des raisons qui m'a poussé à choisir la guitare, et parce que à force de jouer de la contrebasse dans des groupes, j'en avais un peu marre de la trimballer à droite à gauche, et pour en faire un nouveau groupe encore, j'en ai quelques-uns, et du coup, un nouveau groupe, encore faudrait que je trimballe la contrebasse, c'était... Ça me merdait. Et du coup, pour compenser, il amène trois instruments au lieu d'un, en fait. Donc il amène sa guitare, son violon, son baudran, histoire de voyager léger, quoi. C'est assez cohérent. Et puis la caisse à outils qui va avec, alors, hein, c'est ça. Ah, c'est ça. Alors, ce soir, il y a une autre personne qui est parmi nous. On n'a pas beaucoup entendu. Bonsoir. Redis-nous ton prénom. Yoshiko. Oui, c'est facile à prononcer. C'est pour ça que je te le laisse faire. Yoshiko. Yoshiko. Yoshiko. C'est d'origine ? C'est japonaise. Japonaise. Et on joue de la musique celtique au Japon ? Oui, je crois. Oui. Enfin, alors je fais de la musique classique plutôt. Alors. Je suis en train de découvrir cette musique. D'accord. Oui, elle découvre le groupe aussi, en fait. Oui. Il faut savoir que Yoshiko nous a rejoint pas plus tard que cet après-midi, en fait. Oui. On lui a fait une mauvaise blague en lui disant bah, « Tiens, on va faire une radio, et tu vas venir jouer avec nous. » Et elle a accepté avec beaucoup de gentillesse et de talent. Donc, on la remercie. C'est bien amusant. Ça l'est, bah, t'as vu, on a fait une exclusivité RDB ce soir. Ouais, c'est un groupe à géométrie variable et donc là, c'est Yoshiko qui nous a rejoint. Elle sera avec nous mercredi soir au Chelard. Au moins. Si ce n'est plus. Si ce n'est les autres jours, on est en train de négocier. Mais... D'accord. Négocier le cachet. C'est vrai que Yoshiko est pianiste en fait. À pianiste. Ah, d'accord. Mm-hmm. Et depuis combien de temps tu joues du piano et de la flûte traversière? Oh là, depuis combien de temps le piano? J'ai pas envie de dire, parce que là, ça fait calculer mon âge. Donc... Bon, il n'y a pas 50 ans non plus, hein. Pas exagérer. Hein. Après, pour la flûte, là, ça fait 2 ans, 3 ans que j'en joue. D'accord. Voilà. C'est une excuse en fait. Un peu. Non, t'es crédible, hein. On y croit. Carrément. On croit que t'es flûtiste. Y a... Ah bon? Ah ouais, y a pas de problème. T'es gentil. Et quand on joue de la flûte, ben, Michael, Josico, vous allez me répondre. Est-ce qu'on a le temps de respirer par moment? Bah oui, il faut respirer vite. Par contre, sur les plus les mouvements sont rapides, généralement, plus il faut respirer vite. Parce que c'est de la musique quand même qui a beaucoup de notes, hein, ouais. Sur les mouvements rapides. Et c'est vrai que du coup, on a vraiment un dixième de seconde pour respirer, quoi. Ou alors il faut manger une note pour respirer. En apnée, quoi. Ça va bien pour jouer sous l'eau. Il faut tenir un petit peu, quand même. Très bien. Qu'est-ce que vous nous proposez maintenant, musicalement? Puisque vous ne voulez pas chanter. Alors, on va vous faire un tube aussi de la musique irlandaise. C'est Danny Boy. Eh bien, on vous laisse vous préparer. Danny Boy. Thank you. Encore un bien joli morceau, très jolie mélodie. Alors, je vous laisse mettre vos casques, chacun. Comment vous procédez ? Vous avez, je vois que vous avez des partitions. Est-ce que vous vous rajoutez des, vos propres interprétations ou... En fait, ouais, comme on est en fait un collectif à géométrie variable, suivant les concerts, on va décider, évidemment, alors c'est vrai que ça peut paraître bizarre parce que des partitions, ah, c'est un peu le, ce qu'on pourrait un peu reprocher aux personnes qui font de la musique traditionnelle, c'est justement d'avoir des partitions, mais nous justement on en fait un petit peu notre, bah, notre force parce que du coup tout le monde peut venir jouer avec nous. Et vu qu'on a l'idée de collectif, avant les concerts, on va essayer de mettre en avant tel ou tel instrument en fonction de l'effectif qu'on a sur le moment. Et on fonctionne beaucoup comme ça. Et ce qui nous permet en fait, ouais, bah, Yoshiko est un peu l'exemple parfait parce que moi je la connaissais pas avant. On s'est rencontrés il y a quoi, peut-être 4 heures de ça, ouais, un truc comme ça. Puis on joue déjà ensemble et c'est vrai que ça peut être difficile d'intégrer un groupe de musique traditionnelle. Voilà. Là, c'est l'occasion de... C'est un gros avantage, ouais. La musique voilà. écrite dans ce cadre-là, ouais. ça nous fait gagner un temps fou et ça, du coup, ça permet de jouer assez facilement avec tout le monde, comme tu le disais. Ouais. C'est aussi une contrainte quand même, des fois. Enfin, c'est une contrainte... Non, c'est avant tout un avantage, pour le coup, dans notre groupe, surtout qu'on vient de la musique classique et que du coup, on connaît la partition, on la connaît à peu près, quoi, en disons. Mais parfois, justement, pour des questions de style, pour des questions stylistiques ou des questions de regard, de trucs comme ça, ça peut parfois être un handicap aussi. Mais bon, c'est pas un handicap insurmontable. En tout cas, on arrive à jouer ensemble malgré ça. Après, tout n'est pas forcément écrit dans la partition aussi. Il y a beaucoup d'arrangements qui se font sur le moment, des enrichissements. C'est Mickaël qui pourra en parler un peu plus, mais des réductions, donc comment on dit, non pas des réductions, comment des ornementations. Ouais, des ornementations, oui. Après, il y a des ornementations au niveau des doigts qui va faire une ornementation rythmique, et d'autres, on va rajouter des notes histoire d'enrichir la mélodie. En fait, sur la partition, il n'y a pas grand-chose d'écrit, si ce n'est le thème et puis la grille simplifiée harmonique. Mais voilà, les accords. C'est nous qui travaillons, du coup. Comment vous choisissez vos morceaux que vous souhaitez jouer? Bah on les joue. Non, mais je veux dire, votre source. Notre source, c'est Mickaël. Voilà, c'est ça. Oui. J'avais notre corne d'abondance. Un petit paquet de partitions de musique celtique. Oui. Du coup, je les ai apportées. On a joué les morceaux et on regardait ce qui nous plaisait le plus. Pour revenir sur cette histoire de partition, pardon, ça fait gagner un temps fou, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais ça permet justement, au niveau des effectifs... Pour cette semaine, par exemple, je ne crois pas qu'il y ait deux concerts qui seront identiques. C'est-à-dire qu'au niveau de l'effectif, on n'est jamais le même nombre, en fait, là, tout au long de la semaine. Voilà, le point culminant, ça va être jeudi, où on aura deux violonistes. On sera peut-être six, a priori six sur scène, six ou sept même, avec Yoshiko. Hein, yes. Jeudi. T'es pas au courant? Bah non. C'est génial. Voilà, c'est exactement ce que permet ce... L'idée, c'est que voilà, tout le monde peut se joindre à nous, et notamment Linda et François Galix, chez qui on joue vendredi soir, vont sûrement jouer du piano et de la contrebasse avec nous sur certains morceaux. Yeah. D'accord, donc ça, tu parlais de jeudi, où ça sera donc... Jeudi, ce sera à la Mast. À la Mast, ok. J'ai une chaise qui... Qu'est-ce que vous nous proposez maintenant? Eh bien, on a un petit dernier enchaînement pour finir. Oui. Si je ne dis pas de bêtises, c'est des hornpipes. Hornpipe. Oui, c'est trois hornpipes de Steamboat, College Hornpipe et Barwick Green. Ok, eh bien, on vous écoute dès que vous êtes prêts, comme d'habitude. bien, c'est super tout ça. Que de la bonne musique ce soir. N'est-il pas? En tout cas, moi j'apprécie beaucoup. Je ne sais pas vous, chers auditeurs, mais c'est vraiment une très très jolie interprétation. Merci beaucoup. Merci Gilles. Quels sont les projets de Kitchen Irish? Projet à venir. Une tournée au Japon. Une tournée au Japon, ça a bien commencé. Hein. Tout simplement, pour faire simple. Oui. C'est vrai, en plus. C'est en négociation. Non, c'est une histoire un peu vraie, en fait. Là, du coup, c'est vrai que c'est un groupe naissant. Enfin, on joue depuis cette année. Et on a en fait, le fonctionnement par tournée, là, en jouant toute une semaine, moi, je trouve que c'est hyper efficace de pouvoir se retrouver voilà, toute une semaine, jouer ensemble toute une semaine. Et du coup, bah, là, c'est l'Ardèche. Et puis, pourquoi pas, dans un an ou deux, le Japon. Bah ouais, il faut venir au Japon. Yoshiko a des amis qui font de la musique irlandaise au Japon, et donc l'idée, ce serait peut-être de faire un échange, de venir les rejoindre, ou qu'ils viennent nous rejoindre aussi. Voilà, faire un groupe franco-irlandais pour aller jouer au Japon. C'est la... Franco-japono ? Franco-japono-irlando. Ouais. Non, pardon, je m'emballe. Mais voilà, ça c'est un gros projet. Oui. Sinon, il y a les Saint-Patrick, il y a tous les concerts qu'on pourra faire dans notre périmètre un peu plus immédiat. Et voilà, des concerts peut-être à domicile, ce genre de choses, des trucs à organiser. Mais pour l'instant, il n'y a pas des masses de dates de Calais. Oui, pour dire que vous n'êtes pas des professionnels, comment dirais-je, des intermittents du spectacle, hein, vous faites ça... Eh bien, si. Oui. On fait pas, c'est pas avec Kitchen Irish qu'on fait notre... Voilà. Nos heures de voilà. Enseignement ou d'intermittence, mais oui, du coup, effectivement, on a beaucoup de projets musicaux qui prennent leur place et qui ont la priorité quand ils sont plus professionnalisants, disons. D'accord. Et c'est ce qui est aussi un petit peu agréable avec ce groupe, parce que c'est vrai qu'on est tous soit intermittents, soit profs de musique, que ce soit voilà, dans la... Prof d'instrument. Voilà, oui. Ou même encore étudiant pour certains, ou étudiant l'année prochaine, par exemple pour moi. Et c'est vrai que c'est un peu, enfin ce groupe-là, pour ma part, c'est Denis qui parle, celui qui joue du Baudran. Baron. Et pour ma part, c'est vraiment un petit peu le groupe, un petit peu sans prise de tête et un peu, voilà, c'est que du fun, quoi. C'est que de la musique, c'est que des copains et puis c'est vraiment des moments super agréables passés ensemble. C'est, et puis en plus là, pour le coup, c'est vraiment les vacances. Eh oui. En fait, c'est un groupe qui nous sert essentiellement à voyager, quoi. C'est une agence de voyage dissimulée. Bah déjà, on voyage beaucoup avec la musique celtique, hein. Tout à fait. Et puis. C'est clair, ça parle direct. Et puis, puisque vous allez faire une tournée au Japon, donc on vous suivra. RDB se déplacera spécialement pour cette tournée japonaise. Du plaisir avec le Japon sur RDB, ce serait incroyable. Si je vous demande un autre titre, c'est possible? Aïe. Ah là là. Alors, si je choisis un morceau, moi, que vous avez déjà joué, par exemple. Ah, on a déjà joué, oui. Ouais. Ça, c'est jouable. Ça, mais tout à fait au hasard, hein, The King of the Fairies. Ah. Moi, je dis ça au hasard, j'aurais pu tomber sur, je ne sais pas, moi, The King of the Fairies. Ou The King of the Fairies. Oui, oui, oui. Ouais, voilà, c'est une bonne idée. Allez. Eh ben, avec plaisir. Tiens, puis je vais la faire à la guitare, ça fera une autre version, mais c'est incroyable, au lieu du ukulélé. Qu'est-ce que... Oui. Donc, on enchaîne, hein. C'est parti dans quelques instants. Thank you. Merci les amis, c'était super. On va peut-être, avant de se quitter, rappeler les dates. Donc, demain, mardi 25, ça se passera aux apéros jardinatoires de Saint-Jean-Chambre. Et le mercredi 26, à La Palisse, au bar de La Palisse, au Chélard. Et jeudi 27, La Mastre, les tribunes de La Mastre, plein centre. Voilà, et pour finir, le vendredi 28, à Nas, à côté de Saint-Barthélemy-Grozon. Eh ben, autre chose à rajouter, les amis ? Oui, merci Gaël d'avoir organisé cette superbe tournée ardéchoise qui s'annonce sous les meilleurs auspices. Merci Gaël. Merci à vous, les copains. Merci à Gilles de nous merci avoir Gilles. Pour merci cette Gilles. Spéciale. Merci Gilles. Merci Gilles. Oui, moi je vais aussi vous remercier pour cette sympathique soirée. J'ai passé un très agréable moment avec vous. J'espère qu'il y en aura d'autres. Ben, avec pourquoi plaisir. Pas dans les 4 jours qui restent, si je peux me libérer, c'est pas évident. Ça ferait plaisir. Ça ferait plaisir de te voir. Gaël, on te retrouve quand sur les studios de RDB avec Zikactu ? La semaine prochaine, mardi prochain, on fait la reprise. La reprise, la rentrée pour beaucoup de monde. Et pour Zikactu. Voilà. Et toi, Celtitude, le prochain ? Ah, Celtitude, en principe, c'est le premier vendredi de chaque mois. Mais là, je vous avoue qu'à l'heure qu'il est aujourd'hui, là, j'ai encore rien préparé. Mais je pense peut-être que je vais me servir de cette soirée pour faire une Celtitude. Ah, bonne idée. Bah, oui. Avec plaisir. Merci à vous tous. Merci à Kitchen Irish. Et puis, merci à notre charmante japonaise du soir. Merci à vous. Bonne soirée à tous. Bonsoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.